Transition. Transition. Télévision. Reportage sur photo. Caméra vidéo et photo. Les équipes présentées. Le départ des données. Les étapes s'envolent. Et la course s'est lancée. Thank you.